Bonjour à toutes et à tous, c'est Flathead ici, je suis ravi d'être avec vous pour une heure de musique qui sort des sentiers battus, et je suis moi-même musicien. Alors hors des cercles habituels de la promotion, je vais vous proposer une fois par semaine un programme éclectique, qui je l'espère va aiguiser votre curiosité. Alors même si l'on aura une majorité de rock sous toutes ses formes, on ira allègrement se promener sur les territoires de la folk, du reggae, du dub, des musiques électroniques, du hip-hop et peut-être même des incursions très osées dans les contrées de la musique expérimentale. Alors je vais pas forcément me laisser influencer par les sorties dans l'actualité car déjà beaucoup d'émissions font ça, mais je vais m'autoriser à explorer et redécouvrir avec vous tout un tas de musiques et d'artistes que l'on n'a pas l'habitude d'entendre à la radio. Je vous ferai part de mes pérégrinations sur divers blogs musicaux, de mes découvertes. Je passerai des artistes non professionnels, c'est-à-dire qui n'ont pas signé dans une maison de disques, mais qui auront quand même retenu mon attention. Alors il y aura des émissions classiques où je passerai pas mal de choses différentes et j'espère pouvoir vous concocter ponctuellement quelques thématiques en s'attardant sur des styles particuliers, voire des époques spécifiques. Alors j'espère aussi que ce sera possible de pouvoir faire des spéciales avec des auteurs de blogs qui nous feront part de leurs découvertes, ou alors avec des spécialistes d'un genre particulier, histoire d'approfondir nos connaissances. Bref, j'espère que vous serez interpellés, peut-être parfois bousculés. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires par mail à flathead@gmail.com. Alors mon but, c'est de vous faire vraiment partager ma passion pour toutes les musiques. Pour cette première, nous n'allons pas aller dans les tréfonds de l'obscurité, mais je vais vous faire part de ce que je considère être mes classiques, mes incontournables. Et nous allons démarrer avec le groupe de Manchester, The Smiths. The Smiths, c'est un groupe qui, en France, n'a pas réellement eu de succès particulier, mais il faut savoir qu'outre-Manche, ils sont au panthéon du rock à côté des Beatles, des Kings. Et on va tout de suite démarrer avec Big Mouth Strikes Again. C'est un morceau qui est sorti en 1986 sur leur album The Queen Is Dead. We'll be right back. Alors on reste à Manchester, cette fois quelques années plus tôt. Ouais, il y a quand même des endroits qui ont marqué l'histoire de la musique, et Manchester en fait partie. Donc on est avec Joy Division et leur tout premier single sur le label Factory, sorti en novembre 79, et ça s'appelle Transmission. On traverse l'Atlantique et on se retrouve à Brooklyn dans la banlieue new-yorkaise avec They Might Be Giants, un duo originaire de Lincoln dans le Massachusetts. Les deux compères se retrouvent à New York en 1981 et ils emménagent exactement dans le même immeuble le même jour et vont rapidement former un duo et décident d'attirer l'attention de la presse locale en créant ce qu'ils appellent le Dial a Song. C'est-à-dire que grosso modo vous appeliez un répondeur et tous les jours vous avez droit à une courte chanson. Ce qui les a poussés à écrire des chansons aussi étranges sur des sujets comme les bouteilles, les thermostats et les pièces de jeu d'échecs, et j'en passe. Alors voici un morceau assez emblématique de leur style pop très personnel, Anna Ng, sorti en 1988 sur leur second album Lincoln. Make a hole with a gun perpendicular to the name of this town in a desktop globe. Exit wound in a foreign nation, showing the home of the one this was written for. My apartment looks upside down from there. Water spirals the wrong way out the sink, and her voice This is a backwards record. It's like a whirlpool and it never ends. Anna, Anna, are getting old and we still haven't walked in the glow of each other's majestic presence. Listen, Anna, hear my words. They're the ones you would think I would say if there wasn't me for you. All alone at the 64 World's Fair, 80 dolls yelling small girl after all. Who was at the DuPont Pavilion? Why was the bench still warm? Who had been there? Or the time when the storm tangled up the wire to the horn on the pole at the bus depot? And in back of the edge of hearing, these are the words that the voice was repeating. Anna, Anna, are getting old and we still haven't walked in the glow of each other's majestic presence. Listen, Anna, hear my words. They're the ones you would think I would say if there wasn't me for you. When I was driving once I saw this painted on a bridge. I don't want the world, I just want you to have. They don't need me here, and I know you're there, where the world goes by like the humid air. And it sticks like a broken record. Everything sticks like a broken record. Everything sticks until it goes away. And the truth is we don't know anything. Anna, Anna, are getting old and we still haven't walked in the glow of each other's majestic presence. I would say if there wasn't me for you. Anna, Anna, are getting old and we still haven't walked in the glow of each other's majestic presence. Listen, Anna, hear my words. They're the ones you would think I would say if there wasn't me for you. Anna, Anna, are getting old and we still haven't walked in the glow of there's majestic presence. Listen and hear my words. They're the ones you think I would say if there wasn't me for you. Et maintenant, on va repartir sur la côte ouest des États-Unis. On est en 1966. En pleine période du rock psychédélique, les Beatles vont bientôt sortir Revolver et les Byrds. Eux composent ce morceau 8 Miles High qui est sur leur album Fifth Dimension, et c'est un morceau qui est inspiré par le jazz et aussi la musique indienne. C'est très inspiré par Ravi Shankar, John Coltrane. Ce qui est frappant aussi dans ce morceau, mais qui est un peu une marque de fabrique chez les Byrds, surtout leurs harmonies vocales. 8 Miles High. Allez, on va 20 ans plus tard maintenant, on est en 1984 et on retourne, devinez où, à Manchester. Vous allez croire que je suis un petit peu obsédé, c'est vrai. On se retrouve avec ce groupe post-punk, The Fall. The Fall, c'est un groupe qui est amené depuis plus de 30 ans par leur leader Mark E. Smith, qui est vraiment le seul membre permanent depuis toutes ces années et qui règne vraiment en maître sur le groupe. C'est un personnage inénarrable, très alcoolique aussi, et qui, ma foi, bon an mal an, sort toujours des albums d'une constance et d'une consistance époustouflante. Et donc ce morceau, C-R-E-E-P, Creep, est sorti sur l'album The Wonderful and Frightening World of the Fall en 1984. C'est un groupe formé en 1989 à San Francisco par David Friel et Sean Kirkpatrick, basé sur un guitariste acoustique et un batteur. Et c'est pour moi vraiment l'essence du son de Swell. Le morceau que nous allons écouter maintenant, c'est un morceau qui m'a toujours fasciné par son ambiance. Et ça s'appelle At Long Last et c'est sorti sur leur album Well en 1992. Thank you. 1966 encore, les Beach Boys viennent de sortir Pet Sounds. Pet Sounds qui est le petit bébé du leader du groupe Brian Wilson. Et qui, en cette même année 1966, se lance dans un nouveau projet. Composer une symphonie adolescente à Dieu, qui devrait s'appeler Smile. Qui aurait dû s'appeler Smile, mais l'album finalement ne va pas être sorti. Brian Wilson va lui sombrer dans une dépression, dans une maladie mentale et dans les drogues pendant de longues années. Et à cette époque-là, en 66, il est encore au sommet de son art. Et cette chanson qui va suivre s'appelle Surf's Up. C'était un élément central de cet album. Et la version que je vais vous passer maintenant, c'est la démo de ce morceau. Brian Wilson est tout seul au piano. Et vous allez voir, c'est magnifique. The diamond necklace played the pawn. And a handsome drummed along. Woe to a handsome man at baton. A blind class aristocracy. Back through the opera glass. You see the pit and the pendulum drum. Taken me, dim chandelier awakened me to a song dissolving the tongue. The music hall, a costly bow, the music all is lost for now to a muted trumpeter's song. Towers, the hour was struck, the street, quicksilver moon, carriage across the fog, to step, to lamp, light cellar tune, the laughs come hard in auld lang syne. The glass was raised to fire and rose the fullness of the the dim last toasting, while at port a doom would die. A choke of grief, heart hardened I, beyond belief, a broken man too tough to cry. Surf's up. Spring you gave, I heard the word, wonderful thing, a children's song. Scratch Perry est certainement une figure incontestable de la musique jamaïcaine des années 70. D'ailleurs, c'est lui qui a pris sous sa coupe le jeune Bob Marley et l'a aidé à trouver sa voix. En 1973, Lee Perry construit son propre studio et va jusqu'à la fin de la décennie produire certainement nombre des plus importants disques de reggae de l'époque, avec son studio rudimentaire, 4 pistes, mais un son inégalé. Roast Fish and Cornbread, c'est presque du trip-hop avant l'heure. C'est sorti en 1978 sur son album solo Roast Fish, Collyweed and Cornbread, et c'est un morceau lourd et typique du son du Black Ankh Studio. clappity, clappity, clappity, clappity, high. Clip, clap, clappity, clappity, clappity, clappity, high. Roast fish and cornbread, hey, hey, hey. Roast fish and cornbread, yeah. Roast fish and cornbread, yeah. Roast fish and cornbread is a vital food, yeah. And from it vital, vital, yeah. And from it vital, vital, yeah. I love you and your gratitude, yeah. Dreadnought and peanut too. Skunk it in the box, yeah. Yeah, rock it in the buck, yeah. Yeah, yeah. Robitaille, Robitaille, Scrobitaille, yeah. Roast fish and cornbread, yeah. Roast fish and cornbread, yeah. Dreadnought and peanut, yeah. Peanut and dreadnought, yeah. Skunk it in the backyard, hey, hey. Rock it in the backyard, hey. Skip to bama de ba ba boo this is skibi va ba ba be do this avant. Talking about roast fish and cornbread, hey. Roast fish and cornbread, yeah. Yeah. Dreadnought and peanut, hey, hey. Peanut and dreadnought. Skunk it in the buck, y'all. Rock it in the buck, y'all, y'all. Yeah. From a dreadnought to dreadnought. From a peanut to peanut. From a dreadnought to dreadnought. From a roast fish, yeah. On va rester dans l'étrangeté, dans la bizarrerie, et on va continuer avec Richard D. James, autrement dit Aphex Twin, qui a sorti d'excellents albums tout au long des années 90, qui faisait partie un petit peu de ce qu'on appelait l'Intelligent Techno. C'était sur le label Warp Records, sur son album Richard D. James, c'est en 1996 et ça s'appelle Cornish Acid. Avec les craquements du vinyle. Bon, enfin, on va ressortir les guitares avec Neil Young. On est en 1969. Neil Young vient juste de sortir son premier album solo après avoir quitté The Buffalo Springfield. Et il s'entoure d'un groupe qui va le suivre jusqu'à maintenant, The Crazy Horse. Et il va sortir ce premier album avec ce groupe qui s'appelle Everybody Knows This Is Nowhere. Et c'est encore du vinyle. I'd like to go back home and take it easy. There's a woman that I'd like to get to know, living there. Everybody seems to wonder what it's like down there. I think about back home, it's cool and breezy. I wish that I could be there right now, just passing time. Everybody seems to wonder what it's like down here. On reste en 1969 et cette fois on revient en Angleterre avec The Kinks. Ray Davies sort des albums concept depuis l'album précédent de The Kinks or the Village Green Preservation Society. Et cette fois il s'attaque à l'empire colonial britannique avec Arthur or The Decline and Fall of the British Empire. Dans le morceau le plus connu qu'on entend souvent, c'est Victoria. Celui-ci, c'est le deuxième morceau de l'album, c'est Yes Sir, No Sir. Speak, sir. Permission to breathe, sir. What do I say? doesn't matter who you are, you're there and there you are. Hey. Everything is in its place, authority must be maintained. Scam a gun and make the bugger fight, and be sure to have deserters shot on sight. If he dies, we'll send a medal to his wife. Toujours dans les 60s, on est en 1967 et The Who sortent leur album The Who Sell Out, dont le concept est simple, ils recréent une station de radio fictive, ils vont recréer des jingles qui vont entourer leurs morceaux et ils vont vendre tout ça sous le nom The Who Sell Out. Et le morceau qui va suivre s'appelle Odorono, c'est une ode au déodorant. Ça, c'était une facétie des Who. On n'est pas sur Radio London, on est sur Radio Zenith. Et tout de suite, on est en 1978 avec Elvis Costello. Elvis Costello qui vient de s'entourer de son groupe fétiche, The Attractions. et il sort son deuxième album qui s'appelle This Year's Model, et le titre qu'on va entendre s'appelle I Don't Wanna Go to Chelsea. Si on va pas à Chelsea, on va peut-être aller en Australie avec The Go-Betweens. The Go-Betweens, c'est un groupe qui a été formé en 1978 par Grant McLennan et Robert Forster. Et après avoir sorti plusieurs albums dans les années 80, ils vont prendre une pause pour sortir des albums solo. Ils vont se reformer en 2000. Et en 2005, ils sortent ce qui va devenir leur dernier album, Oceans Apart. Le décès de Grant McLennan mettra un terme à l'existence du groupe. Et le premier titre de cet album, c'est Here Comes the City. Passing churches, passing stations. Après 10 ans passés dans le groupe Felt, Lawrence, le chanteur, va en 1992 se lancer dans un nouveau projet, un nouveau groupe qu'il va appeler Denim. Avec un premier album Back in Denim en 1992, il va sortir un deuxième album en 1996 qui va s'appeler Denim on Ice et le prochain titre s'appelle The Supermodels. Terminer cette première émission sans faire un petit clin d'œil à John Peel, cultissime présentateur de la BBC. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il a fait les beaux jours ou plutôt les belles soirées de Radio 1, un véritable découvreur de musique. Alors le prochain titre, c'est certainement un de ses préférés. En 1978, il reçoit le 45 tours d'un petit groupe punk nord-irlandais, The Undertones. Alors ce titre lui fait l'effet d'une bombe et il va pas arrêter de le passer tout au long de sa carrière. C'est même un des titres qui sera passé lors de ses funérailles en 2004. Alors Mr. Peel, où que vous soyez... So hard to be. street. Another girl in my neighborhood. When she was mad, she looked so good. I wanna hold her tight. Get teenage kicks right through the night. I'm gonna call her on the telephone. Have her over cause I'm all alone. I need excitement, oh I need it bad. And it's the best I've ever had. I wanna hold her tight. Get teenage kicks right through. Voilà, podcast numéro 1, c'est terminé pour cette semaine. En tout cas, vous pouvez me laisser des petits messages sur mon adresse mail flatted@radio-zenith.com, ou vous pouvez aussi laisser des messages sur la page de la radio et sur les réseaux sociaux habituels. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même radio, même heure, et restez curieux, hein. Bon allez, ciao. I need excitement, oh I need it fire. And it's the best I've ever